entre pas si quelquefois. Quand tout va très bien chez moi, je prends ma guitare ou mon piano pour gommer tous les malheurs.